En Corée du Sud, d'après le journal Le Travail et le Monde, la campagne de collecte de signatures d'urgence vient de se livrer contre la mesure de contrôle d'État des manuels d'histoire. Le ministère de l'Enseignement a publié de rendre public le 28 Coran des manuels d'histoire contrôlés par l'État en secret. Tous les habitants enragés ont livré du 21 au 24 novembre la campagne de collecte de signatures d'urgence pour demander l'abolition de la mesure de contrôle d'État des manuels d'histoire et la démission du ministre de l'Enseignement. Y ont participé plus de 100 000 personnes, comme 11 000 et une centaine d'enseignants, plus de 4 540 jeunes et enfants, plus de 45 820 parents et 35 580 citadins. Par ailleurs, les milieux d'enseignement et d'histoire et d'autres personnes s'opposent vertement à la décision du gouvernement de Bakounet sur la démonstration sur place des manuels d'histoire contrôlés par l'État.